Merci Johanna, merci pour ce moment de reconnaissance et d'adoration pour ces chants. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être de nouveau devant vous, devant le Seigneur bien sûr, mais devant vous, pour partager ensemble la parole de Dieu. Alors, comme cela a été dit, nous avons beaucoup lu dans l'évangile de Matthieu, avec cette question, qu'est-ce que signifie être un disciple à l'approche de Pâques, mais avant Pâques et surtout après Pâques? Je vous invite à juste ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. Alors normalement, nous aurions dû lire avant le chapitre 18, donc le 17, et nous aurions dû lire beaucoup plus dans le chapitre 18. Mais nous ne le ferons pas. Je vous laisse le faire, et d'ailleurs nous l'avons entendu pendant ces derniers vendredis. Matthieu chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 5 pour aujourd'hui. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, c'est moi qui le reçois. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je ne vais pas faire un appel à une technique particulière, mais je vous confesse que j'ai un problème avec mon GPS. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que mon GPS me fait un petit peu la tête. En fait, il ne me parle plus. Alors, j'ai cherché dans les préférences, j'ai cherché dans les réglages, mais rien. Aucune voix, aucune direction. En fait, ce GPS est complètement muet. Et en plus de ça, non seulement il ne me parle plus, mais vous savez, la flèche qui indique la direction est inversée par rapport à la direction que je prends. Alors visuellement, je sais que je dois aller tout droit, mais le GPS indique derrière. Et ça me perturbe. Vraiment, ça me perturbe. Alors, en soi, ce n'est pas grave parce que, entre-temps, j'ai changé d'application. Et je sais que je vais trouver une solution à ça. Mais ce petit désagrément, il m'oblige, en tout cas, à être plus attentif à la route, aux panneaux qui se trouvent sur la route, aux signes de la route. Et au-delà de cela, ce petit désagrément m'oblige bien souvent à faire demi-tour, beaucoup plus souvent que d'habitude. Alors dans ce passage, pas de GPS, bien sûr. Mais ce que nous avons lu ici de l'Évangile, lorsque les disciples s'approchent du Christ, c'est en quelque sorte parce que leur GPS est en panne. Ils ont pris une mauvaise direction, ils sont sur une mauvaise route. Ils ont besoin de réorienter leur vie et peut-être, sans doute même, de faire un demi-tour, mais ça, pour le moment, ils ne le savent pas encore. Alors dans ce passage, tout part d'une question, tout part d'un questionnement. Un questionnement que toute communauté humaine est en droit de se poser. Une question qui se pose à plus forte raison si cette communauté est une communauté de disciples qu'on appelle l'Église et qui a la responsabilité de vivre et de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Cette question, je la relis. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Question légitime, question pertinente. J'ajoute qu'il n'y a jamais de questions stupides, ce sont souvent les réponses qui le sont. Et tout à l'heure, lorsque, je l'espère, nous parlerons ensemble lors de notre réunion d'église, j'aimerais que nous gardions bien cette question comme un post-it sur nos pensées et sur nos cœurs. À ce stade de leur marche, les disciples ont besoin d'une clarification. Ils ont besoin que leur GPS se remette à parler. Ils ont besoin d'un repère. Ils ont besoin de savoir vers qui regarder et comprendre ce qu'est la véritable grandeur dans ce royaume que le Christ annonce. Alors, on connaît Jésus et au lieu d'un long discours ou d'une parabole de plus à décrypter, il place au milieu d'eux un enfant qui l'accompagne d'une parole qui fait sens, qui les remet dans le bon sens. Demi-tour. Ah, c'est bon quand le GPS se met à parler. Si vous ne faites pas demi-tour, si vous ne changez pas de direction pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors comprenons bien, il ne s'agit pas de redevenir des enfants. Il n'est pas question ici de régression vers un état infantile, de revenir dans le sein maternel pour renaître. Pas une régression, non, mais plutôt une progression, car un enfant a tout à apprendre. Ici, Jésus n'exalte pas un état d'enfance perpétuel comme un modèle à suivre, mais c'est à une dynamique, un demi-tour, à une transformation à laquelle ce texte nous invite. Il nous invite à changer de mode de pensée, à quitter le monde de l'évaluation de la performance, à délaisser ce qui se voit, ce qui frappe les yeux, pour entrer dans le monde de Dieu, dans son royaume. Jésus place un enfant au centre, comme un modèle à imiter, un exemple à suivre pour ses disciples. Alors, nous avons tous, même si nous ne le disons pas, nous avons tous des filtres de lecture. Tous. Et si on pouvait débattre sur ce sujet, je suis sûr que nous avons tous des points de vue différents au sujet de ce qu'est un enfant et au sujet de l'enfant que Jésus place devant ses disciples. On peut y voir l'enfant curieux, innocent, d'une pureté originelle, émerveillé de tout, simple, espiègle, authentique. On le sait, un enfant vit totalement dans le monde présent, dans le moment présent. Il ne se soucie absolument pas du lendemain parce que, au-delà de ce qu'il perçoit, dans ce que nous pourrions appeler la foi, ceux qui l'aiment prennent soin de lui. Alors on peut y voir aussi l'enfant roi, objet de toute l'attention, pour le coup lui placé au centre, l'enfant surprotégé, l'enfant tyrannique, capricieux, celui qui s'impose dans le groupe d'enfants, qui substitue le jouet de l'autre, celui qui ne partagera jamais ni son goûter, ni l'attention de son petit monde. Il peut être cruel, il peut mordre et il pince. Alors on pourrait comme ça se laisser emporter par toutes sortes d'interprétations, mais laquelle est la bonne? Alors, sans doute aurait-il fallu commencer par là. Et je fais un petit retour en arrière pour replacer ce chapitre 18 dans son contexte. Ce chapitre 18 de Matthieu nous dit comment vivre ensemble comme une communauté de disciples du Christ. Ce texte me dit comment je peux être une pierre vivante qui apporte la vie aux autres au lieu d'être une pierre sur laquelle les pieds du plus petit vont venir buter. Ce texte me dit encore comment je peux aller chercher mon frère ou ma sœur lorsqu'elle s'égare, comment je peux offrir mon pardon jusqu'à 77 fois 7 fois, comme moi aussi j'ai été pardonné. Pour que l'Église de disciples devienne une réalité vivante dans une communauté d'hommes et de femmes, aussi différents les uns des autres, pour que l'Évangile porte, le Christ pose les bases d'un essentiel, il répare notre GPS, il le fait très simplement en plaçant un enfant au milieu de ses disciples. Si vous ne faites pas demi-tour, si vous ne changez pas de direction pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le mot enfant ici est très intéressant. Et il est bien loin de ce qu'on entend par enfant aujourd'hui. C'est un mot familier. Un mot familier. Dans notre langage, on pourrait dire que c'est un môme. C'est un gamin. Ou comme on dit dans le sud-ouest, c'est un drôle. Un drôle. Dans le monde d'alors, l'homme avait droit de vie et de mort sur toute sa famille. Les enfants n'avaient aucun droit. Ils pouvaient être vendus, exploités, abandonnés, et aucune loi ne les protégeait. Rien ni personne ne pouvait briser le cercle de la servitude à laquelle beaucoup étaient voués, à moins qu'ils ne changent de statut, à moins qu'ils ne rentrent dans un processus de libération progressive, à moins qu'ils ne deviennent des gamins ou des gamines, ça marche aussi. Et c'était cela en fait. Alors, d'avance, je vous prie de m'excuser pour cette référence médiévale que je vais employer aujourd'hui. J'ai tenu au courant Nathalie pour pas qu'elle soit surprise. Cette expression est si loin de notre siècle, mais si près du texte biblique. En français, le mot qui pourrait le mieux s'approcher du mot enfant que Jésus utilise ici, c'est le mot page. C'est le mot page. L'idée de ce gamin que le Christ place au centre, c'est un page. Alors, petit retour en arrière, hein, Yves Noé et tous les films que nous avons certainement vus. Au Moyen Âge, être page, devenir, le devenir, comme le texte biblique le dit, si vous le devenez, c'est d'abord un mineur. C'est d'abord un mineur, une personne qui va se mettre au service d'un chevalier pour devenir chevalier. Le page va donc se mettre en apprentissage, il va apprendre de son maître, intégrer les codes du monde de la chevalerie, les codes d'un domaine ou d'un royaume qui lui est complètement étranger. Si tout se passe bien, le page va progresser. Il va s'élever, il va grandir, il va se relever, il va connaître une transformation, une forme de résurrection. Il va s'extraire de son origine, il va se libérer du déterminisme de sa naissance, il va s'extirper de son héritage familial, de ses antécédents, pour devenir une personne autonome, une personne différente, une personne nouvelle. Plus tard, si tout se passe bien, il deviendra écuyer, puis chevalier à son tour. Bon, c'est vrai qu'un page du Moyen Âge, c'est un peu loin de nous, n'est-ce pas? Et si je vous dis un padawan, si je vous dis un padawan, est-ce que ça vous parle un peu mieux? Oui, pour certains en tout cas. Alors, je ne sais pas si George Lucas était un bibliste. Mais lorsqu'il parle de Padawan, il est très proche, mais alors très très proche du texte biblique, en tout cas phonétiquement, et il est très proche du texte du mot que le Christ emploie. Alors je le rappelle pour ceux qui n'ont pas la référence, hein, c'est dans la série La guerre des étoiles de George Lucas, où un Padawan, mot qu'il a inventé, mais certainement inspiré par une fulgurance prophétique, certainement. Un padawan, c'est un disciple qui va suivre l'enseignement d'un maître chevalier Jedi pour devenir Jedi à son tour, sous le regard bienveillant de tous les maîtres, du maître de tous les maîtres, maître Yoda. Voilà. Alors, nous avons là, dans ce que dit Jésus, le principe général. Et je vous invite simplement à considérer le pluriel. Si vous ne devenez. C'est le pluriel, c'est la norme. Et elle s'applique à tous. Faire demi-tour pour devenir comme des enfants, pour rentrer en apprentissage. C'est déjà beaucoup. Et beaucoup s'arrêteraient là. Mais je ne m'arrêterai pas là. Mais pour autant, le point méga, hein, le méga point, ce n'est pas encore ça. Il nous faut encore aller un peu plus loin avec le Christ pour vivre cette grandeur qui surpasse toutes les autres grandeurs. Le plus grand, il continue, le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. s'abaisser au point de se faire enfant. C'est se comprendre comme un apprenant. C'est se maintenir dans un apprentissage continu. C'est embrasser la promesse de progrès et d'élévation que cet état d'enfant suppose. S'abaisser, se faire comme cet enfant que le Christ place et met au centre, c'est prendre conscience, mes frères et sœurs, que je ne sais pas tout, que je n'ai pas tout compris, mais que je marche humblement avec le Seigneur, avec cette béatitude heureuse de savoir que les humbles de cœur, ceux qui se savent petits, possèdent déjà le royaume de Dieu. Et celui, il continue, et celui, dit le Christ, celui qui apprend à recevoir l'autre, à accueillir l'autre comme un apprenant, comme un padawan, comme son semblable, comme quelqu'un qui est sur le même chemin que lui, sans aucun jugement, sans aucune attente, nourri et porté par la même grâce que lui, celui-là, dit le Christ, c'est moi qui l'accueille, c'est moi qui le reçois. Parce que le Christ, lui aussi, s'est fait petit, il s'est abaissé, il a appris, lui aussi, nous dit l'Écriture, il a appris l'obéissance en traversant les souffrances de la croix. Alors, c'est un vaste programme, n'est-ce pas ? Un vaste programme que de vivre l'Église, de vivre cette communauté de disciples. Alors, je ne crois pas que l'Église se construise à coup de tirades théologiques ou de slogans réducteurs. Mais à la question de savoir qui est le plus grand, je voudrais simplement nous poser cette question. Est-ce que nous voulons vivre l'Église, frères et sœurs ? Voulons-nous voir le Christ glorifié dans son Église ? Voulons-nous participer et prendre notre part à la construction de l'autre, de celui ou celle que Dieu a placé autour de nous, à côté de nous ? En plaçant un enfant au milieu de ses disciples, le Christ pose les bases essentielles de la vie d'une communauté. C'est l'humilité. L'humilité de celui qui apprend et qui ne met aucune pression sur les autres. C'est l'humilité de celui qui se sait petit et qui se fait petit au point de laisser sa vie en se mettant une meule autour du cou si par malheur il faisait du mal au plus petit. C'est l'humilité de celui qui préférerait perdre une main plutôt que de vouloir tout faire dans l'Église. C'est l'humilité de celui qui va chercher son frère ou sa sœur pour aller le chercher dans son erreur. C'est l'humilité de celui qui pardonne autant de fois que nécessaire. Alors ce matin, que le Seigneur nous fasse la grâce de faire demi-tour. De faire demi-tour et de changer et de devenir comme des enfants, des apprenants, des padawans. Que le Seigneur nous accorde la grâce de connaître la véritable grandeur. La véritable grandeur de ceux qui se savent petits, de ceux qui apprennent tout au long de leur vie. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'accueillir l'autre en sa qualité d'enfant, d'apprenant, de voir dans son visage celui du Christ, car en définitive, c'est bien lui le plus grand dans le royaume des cieux. Pour toutes ces choses, et bien plus, que la force de notre Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Amen.